Le soir on marche vite en cours, sans un seul regard alentour, sur les modernes paysages de la grande cité sans âge. On croit la connaître, on a tort, n'est-elle plus pour nous qu'un décor? Loup et forêt noire de nos cauchemars. L'espoir et la peur ont pris cette vie. Les mines de son cœur vont y revenir. Plus de sous la terre, on tira la guerre. Et dans la poussière, on en prit les murs. La vie serait sûre. De partout sur terre, on vit à fuir. Les nobles vainqueurs et les gens blessés. Avec le talent et l'intéressant, le travail des hommes aussi leur souffrance. La ville grandit. L'unité plus loin, tu l'es du dos. Ils ont piégé ici, puis reconstruit. Après les peut-être, tu rêves parti. Les peurs toujours là. Pourquoi alors cette peur qui le soir affole nos cœurs? Bien notre monstre est parmi nous, peut-être pire que le loup. Il n'a pas de nom et pas d'âme. Nos lumières l'ont réveillé. Arrive-t-il d'un long voyage? Ce monstre froid et sans visage, où était-il? Premier